Michel Nicolaï. Un mort de trop. Chapitre 1. La porte s'ouvrit, une ravissante tête châtaine aux grands yeux clairs parut. La jeune fille jeta un regard, sourit et resta immobile et muette sur le seuil. Commodément installé dans un fauteuil à bascule, Xavier Turlutte regardait fixement l'un des murs de son cabinet de travail, entièrement peint en noir. Il résolvait ainsi la plupart des problèmes que l'on posait à sa sagacité. Cet homme étrange n'admettait jamais qu'on lui décernât le titre de détective. Cependant, malgré son âge, la trentaine à peine dépassée, il possédait à son actif un palmarès qu'eût envié un chevronné de la police judiciaire. Mais il niait que les problèmes policiers fussent parmi les plus intéressants, et certaines énigmes mathématiques lui apparaissaient comme beaucoup plus dignes d'estime. Il ne se déclarait satisfait que lorsque la difficulté devenait telle que les policiers abandonnaient l'affaire. À ce moment, Xavier Turlutte s'en emparait. Il envoyait Olga, sa collaboratrice, recueillir tous les détails ou indices intéressants. Une fois en possession de tous les éléments, il posait l'équation et son esprit ingénieux et subtil travaillait jusqu'à la solution immanquablement juste. Curieuse méthode, parfaitement adaptée à ce curieux homme. Doué d'une certaine fortune, la question honoraire ne se posait qu'au gré de sa fantaisie imprévisible. Au bout d'un moment, et quoiqu'il n'eût pas détaché son regard du tableau noir, Xavier Turlutte questionna. « Que voulez-vous, Olga ?» La jeune fille savait que cette question l'autorisait à pénétrer dans le cabinet de travail. Elle s'arrêta devant Turlutte, qui la regarda enfin de son œil bleu et fixe, et elle répondit « Je voudrais, monsieur, vous raconter une scène bizarre qui s'est passée sous mes yeux il y a une demi-heure à peine. Je manque évidemment d'informations, mais telle quelle, je la crois susceptible de vous intéresser. » « Expliquez !» ordonna Turlutte en fermant les paupières pour mieux entendre. « Eh bien, je me trouvais dans le métro Opéra, au carrefour souterrain des correspondances, des couloirs de changement plutôt. Vous voyez ce que je veux dire ?»« Parfaitement !» répondit Xavier sur un ton légèrement agacé. « Mais continuez sans vous interrompre. Je suis suffisamment intelligent pour comprendre ce que l'on m'explique. » La jeune fille rougit légèrement et poursuivit. « Bien, monsieur, il y a, au changement, à cette heure-là, une foule compacte, agitée de remous, de tourbillons, à cause de nombreuses directions différentes. Je me dirigeais vers la sortie quand j'entendis un léger cri, plutôt même un soupir qu'un véritable cri, et un gros homme, à mes côtés, s'affala sur le sol. Immédiatement, un cercle de badauds se forma. Dont vous fîtes partie, Olga. C'est-à-dire, monsieur, que la curiosité professionnelle fut la plus forte. Sans sourire, cela ne lui arrivait presque jamais, Turlutte coupa. Professionnel et peut-être de trop. Poursuivez, Olga. L'homme semblait privé de connaissance. Je le crus même mort et la suite me donna raison. Soudain, un individu fendit la foule en criant « Laissez-moi passer, je suis médecin. » Il se pencha, examina le corps un instant, chercha le pouls, le cœur, puis hocha la tête. « Il est mort, » constata-t-il. Il y eut un murmure parmi les badauds et quelques femmes crièrent. Enfin, venant je ne sais d'où, surgit un agent qui tenta de rétablir la circulation gravement compromise. Turlutte s'impatienta encore. « Mon Dieu, que vous aimez les paroles inutiles, ma chère Olga! Pensez-vous que je n'imagine pas la scène? Vous n'êtes pas une conférencière, mais bien une enquêteuse, rapportant des faits simples, nets, précis. »« Bien, monsieur. Je demandais au médecin de quoi l'homme était mort. Il haussa les épaules en signe d'ignorance, puis soudain poussa une exclamation. « Ça, par exemple ?» Il me montra, à la nuque du mort, juste au-dessus du faux col, un petit trou à peine saignant, mais qui paraissait profond. Blessure occasionnée par une forte aiguille ou un stylet filiforme, reprit le docteur, et entraînant une mort immédiate. Il s'agit d'un crime, alors, questionnai-je. Sans aucun doute, répondit le médecin, mais je vous en prie, mademoiselle, partez d'ici, ce n'est nullement votre place. Je n'ai pas osé insister, et me voici. J'ai pensé que cette histoire vous intéresserait, monsieur Turlutte, et... Elle s'interrompit. Les sourcils froncés, Xavier sortit une blague de sa poche, du papier, et roula une cigarette aussi mince qu'un chalumeau. « C'est amusant, dit-il enfin, mais je ne vois pas encore qu'il y ait là une énigme. La façon de tuer est inhabituelle, mais pas inédite à proprement parler. C'est, en somme, réalisé à l'échelle humaine par un habile opérateur, l'estocade du torero. » Évidemment, l'assassin a beau jeu. Il est, depuis belle lurette, perdu dans la foule. C'était peut-être votre voisin ou votre voisine, que dis-je, c'était l'un ou l'autre, et l'on pourrait même vous soupçonner. Il n'y a certainement pas eu vol à cause de l'alternative suivante. Ou le vol a été perpétré avant le crime, et ce dernier ne s'explique pas, et devient même un jeu très dangereux. Quant à être commis après, c'était impossible, tous les yeux se trouvant fixés sur la victime. Donc, pas de vol. Vengeance, peut-être. Et encore, je n'en suis pas certain. Quand on est décidé à tuer pour se venger, on tient à profiter au maximum de sa vengeance. Et quoi de plus doux au cœur ulcéré que de transformer, avant de l'abattre, sa victime en bête traquée? Quoi de plus tentant que d'accompagner l'exécution de quelques phrases vengeresses? Décidément, je ne crois pas à la vengeance. Alors, règlement de compte, suppression d'un traître. La méthode employée par l'assassin ne me semble pas propice, elle n'est pas celle d'un tueur professionnel, parce que trop dangereuse. Crime de fou, de maniaque. J'inclinerais presque à penser que la vérité se trouve dans cette hypothèse. Mais pour être fixé à ce sujet, il faut attendre. Olga, assise maintenant sur le bord du bureau, questionna, les yeux brillants de curiosité. « Pourquoi ?» Xavier Turlutte eut un sourire ironique. Pourtant, simple à deviner, un fou, devant pareille réussite, n'aura rien de plus pressé que de recommencer. « Vous croyez ?» Xavier n'admettait pas qu'on mît sa parole en doute. Dans ce cas, il devenait féroce. Olga se mordit les lèvres devant sa gaffe, mais trop tard. Entre ses doigts habiles, Turlutte roula une autre cigarette et riposta. « Je ne le crois pas, Olga, j'en suis sûr. » « Alors, si un autre crime semblable a lieu, nous serons certains que l'assassin est un fou ?»« Non, nous saurons seulement qu'il peut être un fou, qu'il y a des chances, de grandes chances pour qu'il soit fou, à moins que... » Nous pourrions aussi nous trouver en face d'un assassin méthodique, implacable et poursuivant un but envers et contre tous. Quand la police rencontre ce type d'homme dont elle a la hantise, elle revient bredouille à chaque fois. Il faut, pour capturer un aussi remarquable assassin, raisonner mathématiquement, c'est-à-dire aussi rigoureusement que lui. Or, pas un policier officiel n'est capable de cela. Malheureusement, de tels assassins sont aussi rares que le merle blanc. C'est dommage, il est agréable de lutter avec des gens vraiment intelligents. Jusqu'ici, je n'ai eu affaire qu'à de petits criminels aux cerveaux étriqués qu'on démonte comme des machines trop simples, élémentaires. Olga s'impatienta. « Pourtant, monsieur, l'affaire Carruccia ?»« Eh bien, un empoisonneur sans envergure. » Et Victor Lefort. En 48 heures, nous l'avons démasqué. Non, nous ne nous sommes pas encore heurtés au virtuose que, tout en le méprisant, je saluerai pour son intelligence et sa méthode. Ce sera peut-être cet homme qui manie l'épingle ou le stylet. Ce serait trop beau. À propos, c'est exact, il ne peut s'agir que d'un homme. Je ne crois pas qu'une femme soit capable de tuer de cette façon. « Attendons, mon petit, nous verrons plus tard. À chaque jour suffit son problème et j'ai quelque chose de fort intéressant en train. » La jeune fille savait fort bien que cela signifiait qu'elle devait laisser Turlutte à ses méditations. Elle se dirigea donc vers la porte, mais comme elle allait la franchir, Xavier la rappela de sa voix sèche. « Renseignez-vous au sujet de la victime. J'aimerais avoir autant de détails que possible sur cet homme. Vous devez avoir raison, l'affaire semble intéressante. » La dernière phrase toucha Olga au cœur, car son patron se montrait fort avare de compliments. Elle se promit de faire diligence pour apporter les renseignements demandés. Déjà, Xavier se perdait dans la contemplation de son mur noir à la recherche d'une solution algébrique compliquée. L'assassin de l'opéra était déjà loin de ses préoccupations, mais cependant, il conservait une modeste place dans le cerveau remarquablement organisé du célèbre découvreur d'énigmes. Dès qu'elle eut regagné la pièce qui lui servait de bureau, Olga téléphona à la police. Turlutte possédait là des amitiés et des haines solides, inévitable rançon de ses succès. Mais comme il comptait parmi ses relations de haute personnalité, on cherchait toujours à lui être agréable. Olga était d'ailleurs bien connue, elle aussi, dans ces milieux où l'on ne connaissait Xavier que de réputation, puisqu'il ne se dérangeait jamais et envoyait toujours la jeune fille à sa place. Olga demanda donc la communication avec le commissaire Legris, bien connu du public pour le succès de ses enquêtes criminelles. En homme conscient de sa capacité, il rendait hommage à l'extraordinaire talent de Turlutte et l'appréciait à sa juste valeur. Dès que la jeune fille lui parlait du crime de l'opéra, il s'exclama « Formidable, notre ami Turlutte, il est déjà au courant de cette histoire. Je crains bien qu'elle ne nous donne du fil à retordre. C'est un genre de meurtre que je n'aime pas beaucoup. Je flaire les complications, les ennuis. Que voulez-vous savoir, ma petite Olga ?» La jeune fille expliqua le désir de son patron et ajouta en toute franchise qu'elle avait été témoin du drame. « Alors, répondit le commissaire aimablement, voici les renseignements demandés. La victime est un certain Jérôme Dabron, quincailler, boulevard Magenta. Il était âgé de 46 ans et son commerce lui rapportait des revenus très suffisants pour ses goûts modestes. Marié, deux enfants, menant la vie la plus tranquille qui soit. Le type même du petit bourgeois rangé. Je suis payé pour savoir que l'on éprouve parfois des surprises dans notre profession, mais je parierais bien un bon déjeuner contre une cigarette qu'il s'agit d'un homme sans passé et sans histoire. Voilà bien ce qui m'ennuie et je suis persuadé que notre ami va trouver l'affaire intéressante. À son point de vue, bien entendu, qui n'est pas le mien. » Ce commissaire Legris s'avérait décidément un excellent psychologue car, lorsqu'Olga lui mit au courant de l'identité de la victime, il s'écria « C'est parfaitement ce que j'imaginais, nous allons peut-être nous amuser. Olga, préparez-vous à partir en campagne. » « Entendu, monsieur, » acquiesça la jeune fille en souriant. « Je suis prête. » « Parfait, alors attendons demain, il y aura peut-être du nouveau. » Parole presque prophétique, comme on va s'en rendre compte. Chapitre 2. Bob, le barman du Dick Dat, cligna de l'œil vers le client qui venait de lui commander un martini cocktail. « Vous voyez où cela mène, l'abus des boissons alcoolisées, monsieur le maire. » D'un geste du menton, il désignait un autre client, manifestement ivre, et qui, affalé sur le bar d'acajou, dormait profondément. Monsieur le maire, ayant examiné le dormeur, s'exclama à son tour. « Mais c'est notre ami Albert de Glace. Il prend votre établissement pour un asile de nuit. Attendez, nous allons lui faire une bonne blague. » S'emparant alors d'un siphon, monsieur le maire le dirigea vers la tête de l'homme affalé. Le barman tenta de s'interposer en riant. « Vous allez l'enrhumer. Au contraire, rien de tel pour vous remettre les idées en place. » Le jet d'eau gazeuse frappa l'homme en plein sur le crâne, dégoulinant partout sur son costume. « Assez !» dit Bob, qui craignait les suites de cette blague stupide. Mais le dormeur n'avait même pas bougé. « Qu'est-ce qu'il tient ?» s'exclama M. le maire, avec une pointe d'admiration dans la voix. Il s'approcha alors d'Albert de Glace et le secoua en criant « Au feu, Albert, au feu, voici les pompiers !» Mais pas plus que la première fois, l'homme ne bougea. Énervé par cette résistance certainement voulue, M. le maire secoua l'ivrogne d'importance. Alors, le malheureux s'écroula du haut tabouret et sa tête heurta le sol avec un bruit sourd. « Imbécile !» s'écria un autre consommateur à l'adresse de M. le maire. « Vous ne voyez pas que cet homme est malade ?» Il était effectivement très malade, Albert de Glace, définitivement malade, il était mort. Le médecin, appelé en hâte, découvrit une imperceptible trace d'épingle à la nuque, juste au-dessus du faux col. 2 heures plus tard, le commissaire Legris téléphonait à Xavier. « C'est bien ce que je craignais, monsieur Turlutte, la série !»« Ah oui ?» s'écria le jeune homme avec un sourire imperceptible. « Vous dites la série, tant mieux !»« Vous en avez de drôles, vous, si vous croyez qu'il va être commode à arrêter ce bonhomme-là !»« Ce sera plus amusant !» Et s'il continue, si nous avons des cadavres qui se multiplient comme cela se produit parfois, ce serait alors un tollé général dans la presse et le grand public exigerait des têtes des malheureux policiers s'il le pouvait. Non, mon cher commissaire, si un assassin de ce type persévère dans le crime, je reste persuadé, moi, qu'il va inéluctablement à sa perte. Mais voyons, aucun indice pour le premier crime, aucun pour le second. C'est dans la norme des choses, si du moins le tueur est bien ce que j'imagine. Mais vous avez oublié de me faire part des circonstances du second drame. » En quelques phrases brèves, le commissaire Legris narra à son interlocuteur le drame du Dic-Dat. Quand il eut terminé, Turlutte questionna « Quel genre d'homme la victime ?» Un vendeur d'automobile de 32 ans, habitué de tous les bars des Champs-Élysées. Un peu le genre gigolo, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Albert de Glace, pas marié, vivait avec une femme de 15 ans plus âgée que lui et qui possède une situation de premier plan dans la haute couture. Un drôle de petit bonhomme. C'est cela, mais incapable de faire du mal à une mouche. Un beau garçon, soifard invétéré, se préparant une bonne cirrhose pour la quarantaine, mais pas un gaillard dangereux, au contraire. Un petit combinat, trop heureux pour toucher à une affaire dangereuse. C'est pourquoi on se demande la raison de cette exécution. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'une exécution ? Le commissaire éclata de rire. Ha ha ha ! Je me demande comment vous appelez ça, alors ? Si nous avons affaire à un fou qui expérimente sa méthode, il tue selon l'occasion qui se présente, au hasard. Chaque fois qu'une nuque tente son aiguillon mortel et qu'il lui semble ne courir aucun risque. Oui, évidemment, grommela Legris. Mais alors, il nous faut nous fier au hasard pour arrêter un homme de sa trempe. Il faudrait le prendre sur le fait. Je crois que cela est presque impossible, étant donné l'habileté dont il nous a déjà donné 2 preuves. Alors, c'est gai. Un crime hier, un ce matin, qu'allons-nous devenir ? Est-ce que vous consentiriez à mener l'enquête avec moi, mon cher Turlutte ? Vous ne savez à quel point nous vous en serions reconnaissants. Mais au contraire, je le sais fort bien, mon cher commissaire, mais je ne puis vous répondre pour le moment. Je ne sais pas pourquoi, voyez-vous, mais j'ai l'impression que cette affaire n'est pas mûre. Voulez-vous que nous attendions encore un peu, mettons à la fin de la semaine ? Mais nous sommes mardi. Cela fait encore 4 jours. C'est cela, vous me téléphonerez dimanche matin et nous examinerons la situation. J'aurai, à ce moment-là, terminé les recherches que j'ai en cours. Le commissaire parut désolé. « Comme vous voudrez, Turlutte, mais je vous assure que j'aurais préféré vous voir vous atteler le plus tôt possible à cette besogne. » railleuse, la voix de Xavier Turlutte lui parvint. « C'est votre métier, après tout, mon cher commissaire, et non le mien. Au revoir, portez-vous bien et à dimanche. N'oubliez pas. » La fin de la semaine s'écoula et le dimanche matin, Olga apporta comme de coutume les journaux à son patron. Un assez grand nombre d'articles de première page étaient cochés en bleu. Un sourire plein d'ironie se joua sur les lèvres minces de Xavier Turlutte. Toute la presse se montrait unanime à déplorer la carence de la police, impuissante à démasquer le redoutable assassin qui faisait frissonner Paris d'angoisse. Depuis le mardi, chaque jour, l'inconnu avait tué, marquant une nuque de son imperceptible et mortelle blessure. « Il est intolérable de penser, écrivait Pierre Demolin dans Paris Matin, que chacun d'entre nous peut être, demain, aujourd'hui même, victime de ce fou sadique qui circule en liberté dans la capitale. La preuve est faite que notre police est incapable de juguler le fou meurtrier. Dans des cas semblables, il ne faut pas hésiter à employer les grands moyens. Un seul homme peut parvenir à nous rendre la tranquillité d'esprit et permettre à la justice de suivre son cours, Xavier Turlutte, le découvreur d'énigmes. La police doit lui demander son concours et cet homme remarquable n'a pas le droit de refuser. Sans le connaître, nous sommes sûrs de son acceptation et nous l'en remercions d'avance. « Ce journaliste est plein d'impertinence, observa Xavier. Il entend me forcer la main, j'ai horreur de cela. Mais j'ai promis au commissaire Legris de m'occuper de cette affaire si elle prenait de l'importance. A-t-il téléphoné ? Oui, monsieur, répondit Olga, trois fois déjà, mais comme vous m'aviez recommandé de ne pas vous déranger, je l'ai conduit. Très bien, appelez-le. Quelques instants plus tard, le commissaire se trouvait au bout du fil et entendait avec satisfaction Xavier Turlutte déclarer qu'il acceptait de s'occuper de l'affaire. « Très bien, je vous remercie, répondit-il. Il me semble que le plus tôt sera le mieux. Quand voulez-vous que je vous communique nos dossiers ? Quel est l'inspecteur chargé de l'affaire ? J'ai pris Diogène avec moi. Vous ne l'avez pas lu dans les journaux ? On se moque naturellement du malheureux qui cherche un homme. Ces journalistes sont idiots avec leurs plaisanteries faciles. Comment est-il, ce Diogène ? Un jeune, mais très bien, très intelligent, très doué pour ce métier. Alors vous allez le gâcher, tant pis. Envoyez-le-moi aussitôt que possible chez moi pour qu'il me mette au courant. » Trois quarts d'heure à peine s'écoulèrent et Olga introduisit l'inspecteur Diogène auprès de son patron. C'était un grand garçon athlétique, au regard direct et vif, qui plut sur le champ à Turlutte. Il lui serra cordialement la main et le mit tout de suite à son aise en lui offrant une cigarette. « Asseyez-vous, inspecteur, dit-il. Voici comment nous allons procéder. Vous allez m'établir une liste des victimes en me donnant le plus de renseignements possible. Vous allez la dicter à Olga qui me la remettra. Vous n'avez rien de particulier à me signaler ? Non, monsieur. Tous ces meurtres se ressemblent. Comme les fils d'un même père. Mais semble-t-il avoir un lien de parenté ? Le policier sourit, ce qui le rajeunissait tant qu'on croyait se trouver en présence d'un adolescent. « C'est justement, répondit-il, ce qu'il y a de terrible dans cette série, c'est que rien ne paraît rattacher les morts les uns aux autres. »« Oui, dit gravement Turlutte, on ne discerne pas la raison de cette progression arithmétique. Un mort, deux morts, trois morts, etc., jusqu'à six aujourd'hui. C'est simple, régulier, méthodique. Quelle est votre opinion, inspecteur ? J'avoue, monsieur, que je suis dérouté. J'ai retourné le problème sous toutes ses faces. Devant l'œil ironique de Turlutte, il s'interrompit, se troubla un peu et poursuivit avec bonne humeur. Du moins, sous toutes les faces qui m'étaient accessibles, et je n'ai rien trouvé. On en revient à l'opinion générale, le fou, le maniaque. Sans quoi, pourquoi cette régularité ? À chaque jour suffit sa peine. J'ai essayé de voir s'il existait un rapport horaire. Mais non, certains crimes ont lieu le matin, d'autres le soir ou dans l'après-midi. Il existe une question d'opportunité. nous ne devons pas oublier que, pour exécuter quelqu'un ainsi, la plupart du temps, au milieu d'une foule dense, il faut un sang-froid remarquable, et il est également nécessaire que les circonstances s'y prêtent. Notre homme est donc obligé d'attendre le moment propice. Parfaitement exact, monsieur. J'ai donc cherché encore quel rapport pouvait unir les victimes. L'un d'eux est riche, l'autre très pauvre, les autres moyens. Tout cela est bien compliqué, hélas. Ces gens ne se connaissaient pas, excepté Julie Dumont, la vieille fille, cousine de Pierre Holbet, le dessinateur industriel exécuté ce matin. Il ne peut s'agir là que d'une pure coïncidence, et cela n'explique pas les autres crimes. Vous y perdez votre latin ? Oui, monsieur, je l'avoue. Cependant, il faut que nous réussissions, et dans le plus bref délai possible, l'opinion publique l'exige. Bravo, inspecteur Diogène, Le Gris ne dirait pas mieux, vous connaissez bien votre leçon. Je suis certain que le préfet lui-même emploie la même phrase. Nous allons nous employer à satisfaire l'opinion publique. Vous avez un plan, monsieur ? Non, un raisonnement. Chapitre 3. Xavier Turlutte reprit sa position favorite, bien calé dans son fauteuil, les yeux fixés sur le mur noir. L'inspecteur Diogène s'en étonnant, le jeune homme, en veine de confidence, voulut bien expliquer sa méthode. En me plaçant ainsi, mon esprit n'est distrait par rien d'autre, et je puis assez aisément, grâce à mon entraînement, extérioriser mes pensées sur ce fond noir. Quand vous pensez, il semble que les idées se meuvent dans du noir, n'est-ce pas ? Eh bien, avec mon mur, j'augmente mon champ d'action. Vous comprenez ? Le policier sourit. Oui, je comprends le principe, la théorie. Quant à la pratique, je pourrais rester des heures devant ce mur, il n'en sortirait absolument rien, mais alors rien. Mais je m'excuse de vous interrompre, monsieur Turlutte, et surtout de vous déranger. Il faut que vous réfléchissiez pour savoir comment nous devons faire dans cette histoire. Quand dois-je revenir vous voir ? Mais, Saint-Surjac-Xavier, vous n'allez pas partir ainsi. Je ne veux pas que vous soyez constamment dans mon cabinet pour cette malheureuse petite affaire. Nous allons régler cela immédiatement. Savez-vous ce qu'il nous faut dans cette enquête ? Non, monsieur, mais... Il nous faut un mort de trop. Le policier répéta sans comprendre. Il nous faut un mort de trop ? Un mort de trop ? Mais pourquoi faire ? Un mort de trop ? Et comment pourrons-nous avoir un mort de trop ? Voyons, mon cher Diogène, vous êtes jeune, mais vous n'êtes tout de même pas un débutant dans la police. Dans cette aventure, le raisonnement est classique. Nous nous trouvons en face d'un assassin méthodique qui ne laisse rien au hasard. Tout chez lui est calculé, il a prévu jusqu'au moindre grain de sable. Nous allons justement jeter le grain de sable dans cette mécanique bien réglée, et je suis persuadé qu'ainsi nous désorienterons le bonhomme jusqu'à l'amener à l'imprudence qui nous permettra de lui mettre la main au collet. Depuis 6 jours, il nous gratifie, avec une régularité de fonctionnaire zélé, d'un mort tué par une aiguille ou un stylet. Aujourd'hui, dimanche, nous avons eu notre cadavre quotidien, mais dans la soirée, nous allons découvrir un 7e cadavre, mort de la même main. Vous croyez, monsieur Turlutte, ce serait affreux. Xavier s'emporta. Mais non, je ne le crois pas, j'en suis certain, puisque c'est nous qui allons tuer ce 7e mort. Parmi les corps amenés au cours de l'après-midi à l'Institut médico-légal, ou bien même parmi ceux qui y sont depuis un jour ou deux, nous allons choisir notre victime. Dans tous les journaux du soir, on annoncera que le mystérieux assassin a tué, en ce jour de repos, 2 personnes. « J'ai compris, assura l'inspecteur, c'est une magnifique idée. » Le tueur, naturellement, sera affolé. Inéluctablement, il cherchera à savoir et nous lui tendrons un piège dans lequel il viendra se jeter tête baissée. Mais quel genre de piège, monsieur Turlutte ? Eh bien, nous dirons que le cadavre ne portait pas de papier d'identité. Pour le reste, je m'en charge, ne craignez rien. Et quel sera mon rôle ? Pour le moment, je n'en vois aucun, mais il faut que je puisse vous toucher par téléphone à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, vous comprenez ? Fort bien, je ne quitterai pas mon bureau et vous pourrez me trouver quand vous voudrez. Pour le moment, retournez à la préfecture et découvrez notre prochaine victime. Arrangez-vous pour prévenir le plus grand nombre de journaux possibles, ainsi que les postes de radio. Je veux beaucoup de bruit et d'indignation autour de ce septième cadavre. Il est indispensable que notre assassin soit au courant dès ce soir. Nous sommes bien d'accord ? Parfaitement, monsieur Turlutte, ce sera fait. Bien, inspecteur, je ne vous retiens plus. Diogène se montra un organisateur remarquable. Les premières éditions des journaux du soir publièrent des articles munis de titres impressionnants et relatant le nouveau méfait de celui que certains qualifiaient d'ennemi public. L'indignation s'emparait plus encore de Paris et, dans son commentaire, le speaker du poste des PTT exprimait l'opinion générale en disant qu'il convenait de prendre des mesures immédiates. Il fallait, disait-il, mobiliser toutes les forces de police contre le monstre, sous peine de laisser un régime de terreur s'instaurer à Paris. En apprenant ces excellentes nouvelles, Xavier Turlutte frotta les mains en signe de satisfaction, puis il expliqua la suite de son plan à sa collaboratrice. « Ma chère Olga, j'attends de vous quelque chose de très difficile. Je vous ai déjà confié des missions importantes dont vous vous êtes tirée à votre honneur. Celle dont je vais vous charger aujourd'hui est certainement très périlleuse. »« Je n'ai pas peur, monsieur, » assura la jeune fille en le fixant de ses grands yeux clairs. « Naturellement, vous n'avez pas peur, sans quoi je ne vous garderai pas une minute comme collaboratrice, mais vous allez cependant courir un très grand danger. J'ai toujours été loyale avec vous, je tiens à le rester et je vous préviens. Tout mon plan repose sur votre sang-froid, sur votre courage et il faut que nous réussissions. Vous vous rendez bien compte à quel point c'est important. » Tous les journaux, toute la population parisienne attendent que nous mettions le dangereux bandit hors d'état de nuire. Nous n'avons pas le droit d'aller à un échec, de commettre une seule erreur de tactique. Aussi, faites bien attention à ce que je vais vous dire. Je connais votre confiance en moi, mais il me faut votre obéissance entière, absolue. Voici dans ce portefeuille des papiers d'identité. Vous devenez Madame Paul Duchemin. Vous allez vous rendre à l'Institut médico-légal. On vous mènera vers un cadavre. C'est celui de Paul Duchemin, votre mari. Il a été exécuté par l'assassin inconnu et, naturellement, votre chagrin est pénible à voir. Vous dites aux journalistes que vous ne comprenez rien à ce qui arrive. Votre mari a été, pour le monstre, une victime anonyme comme tant d'autres. À partir de cet instant, je vous demande une vigilance de tous les instants. L'assassin ne peut pas ne pas venir se rendre compte de ce qu'est cette victime qu'on lui attribue. Il voudra voir s'il est bien mort de cette même piqûre implacable à la nuque. Ce que j'attends de vous, c'est de le reconnaître, de le pister, de découvrir son identité. Vous rendez-vous compte de l'énormité de la tâche ? Oui, monsieur. Vous acceptez ? « Naturellement, monsieur. »« C'est très bien, Olga. Je n'attendais pas moins de vous. Pour vous remercier, je vais me permettre de vous faire un petit cadeau. » Xavier Turlutte se dirigea vers un coffre-fort mural masqué par un tableau. Il en sortit un lourd, épais et large collier ciselé. Il a été trouvé au cours d'une fouille dans la tombe d'un pharaon. Il passe pour porter chance. Ne le perdez pas. Il possède une valeur intrinsèque appréciable, mais surtout, il constitue une pièce de musée. La jeune fille refusa en rougissant. « Excusez-moi, monsieur, mais je ne puis accepter un bijou d'une telle valeur. Non, vraiment, vous me désobligeriez en insistant. C'est très aimable à vous, mais la moindre des babioles m'eût mieux convenu. » Xavier Turlutte haussa les épaules. « Si je vous le donne, c'est de bon cœur. De toute façon, je crois en la vertu bénéfique de ce bijou et je vous demande de bien vouloir le porter jusqu'à ce que cette affaire soit finie. Et je dis bien le porter, n'est-ce pas ? Il ne faut pas le laisser dans votre coffre à bijoux. Promettez-le-moi. Mais je risque de le perdre, monsieur. Je vais vous le mettre. Promettez-moi de ne point l'enlever jusqu'à ce que je le retire moi-même. » Olga ayant enfin promis, Xavier Turlutte assujettit le massif fermoir. « Maintenant, partez, dit-il, et s'il arrive la moindre des choses, téléphonez-moi. » La jeune fille sortit avec un sourire. Xavier prononça pour lui-même « Brave gosse !» Lorsqu'elle fut dehors, la jeune fille héla un taxi pour se faire conduire à l'Institut médico-légal. 20 minutes plus tard, elle stoppait devant le sinistre bâtiment. Un employé l'accueillit et, lorsqu'elle se nomma, la conduisit dans la vaste salle où, sur une dalle, recouverte d'un linceul, reposait le cadavre de son soi-disant mari. Un homme était déjà là qui hochait la tête. Quand la jeune fille s'exclama « Paul, oh mon chéri !» l'inconnu eut un imperceptible tressaillement. Puis il se retira en murmurant à l'employé « Non, c'est une erreur. » Olga se demanda ce qu'elle devait faire. L'inconnu avait une attitude bizarre et il avait fixé d'un regard appuyé. C'était un homme d'un certain âge, aux yeux durs et fort bien habillé. Serait-ce l'assassin ? Mais pour jouer son rôle, Olga ne pouvait le suivre, elle devait pleurer longuement devant le cadavre de son mari. Elle parvint presque à verser de vraies larmes. Enfin, l'employé lui mit la main sur l'épaule. « Voyons, ma petite dame, il ne faut pas vous désoler ainsi, cela ne sert à rien. Partez, oui, il vaut mieux que vous partiez d'ici, où vous n'avez plus rien à faire. » Obéissante, la jeune femme se leva, tamponnant ses yeux rouges avec un mouchoir. Elle se dirigea vers la sortie où elle fut assaillie par une nuée de journalistes mystérieusement prévenus. Ils lui posèrent une foule de questions auxquelles elle répondit du mieux qu'elle put. Elle parvint enfin à se dégager et s'éloigna. Les journalistes, d'ailleurs, paraissaient satisfaits de ses réponses. Ils voulaient simplement être certains de l'identité de cette nouvelle victime. Mais la jeune fille était fort désappointée. Le stratagème de Xavier Turlutte paraissait avoir raté, elle venait de faire un chou blanc. On était en octobre et la nuit commençait à tomber. Fataliste, la jeune fille haussa les épaules et se dirigea vers un taxi pour regagner le domicile de son patron, qui serait certainement furieux en apprenant cet échec. Comme elle approchait du bord du trottoir pour héler une voiture, un homme sortit d'une automobile rangée là. Sur le champ, Olga l'identifia. C'était l'inconnu, rencontré l'instant auparavant à l'Institut médico-légal. Elle tressaillit d'aise, tout n'était pas perdu. L'homme s'approcha d'elle, le visage fermé, les yeux durs. « Madame, dit-il, voulez-vous m'accorder un instant d'entretien ?»« Mais, monsieur !» balbutia-t-elle, jouant fort bien son rôle. Brutalement, l'homme la poussa dans la voiture et grimpa après elle, cependant que le véhicule démarrait à toute vitesse. « Vous êtes fou ?» questionna la jeune fille qui s'était fait mal en tombant dans la voiture. « Que signifient ces manières ? Je vous somme de vous expliquer. » L'homme haussa les épaules avec un rire sardonique. « Je vous conseille de rester tranquille, ma petite, ou il pourrait vous en cuire. » Vous vous imaginez que cela prend, cette petite comédie ? Je tiens à savoir le rôle que vous jouez et je vous garantis bien que je le connaîtrai. » Aucun doute, c'était bien là l'être implacable qui tuait tous les jours une nouvelle victime. Une peur inconnue, effroyable, s'empara de la malheureuse. Elle ouvrit la bouche pour crier, appeler au secours. Mais déjà, son compagnon lui enfonçait un mouchoir dans la bouche, lui serrant le bras d'une poignée d'acier. Olga se crut perdue. Chapitre 4. La voiture stoppa et l'homme fit descendre sa compagne. Étourdie, Olga obéit sans comprendre. Enfin, elle réalisa qu'elle se trouvait dans un commissariat. Il s'agissait certainement d'une méprise. Effectivement, déjà l'inconnu expliquait au brigadier de service « Mon nom est Pierre Ampin, je suis industriel, voici un passeport à l'appui de mes dires. Mon fils unique, Jacques, à qui j'avais coupé les vivres parce qu'il persistait dans une liaison qui me répugnait et qu'il souhaitait régulariser, vient de se suicider. Connaissant son caractère exalté et craignant le pire, je suis allé à l'Institut médico-légal pour voir si un malheur n'était pas arrivé, car Jacques n'a pas reparu à la maison depuis 3 jours. Hélas, mes pressentiments ne m'avaient pas trompé, j'ai retrouvé mon fils mort. Seulement, j'ai rencontré aussi cette jeune personne qui, en pleurnichant, a, paraît-il, identifié mon fils comme étant un certain Paul Duchemin. Je voudrais savoir quelle indigne comédie elle joue et je vous l'ai amenée. » Quel homme extraordinaire et quel cœur aride! Il venait d'avouer que son fils était tué à cause de sa dureté et il gardait les yeux secs, seulement préoccupé de tirer au clair une affaire sans gravité. Une malheureuse, égarée par sa douleur, pouvait se tromper. Olga ne parvenait pas à détacher ses regards de l'étrange personnage. Quand le brigadier lui demanda qui elle était, elle répondit qu'elle souhaitait lui parler en particulier. Il fit droit à sa demande et l'introduisit dans le bureau du secrétaire du commissaire, absent pour le moment. La jeune fille n'eut alors aucune peine à se disculper et, après 2 coups de téléphone au commissaire Legris et à Xavier Turlutte, le brigadier lui présenta des excuses. « Vous êtes libre, mademoiselle, » dit-il. Olga sourit. « Renvoyez d'abord cet homme qui est de l'autre côté. Je ne tiens pas à le revoir. »« Oui, je vous comprends. Patientez 1 minute, je vais faire le nécessaire. » Il sortit et revint au bout d'un instant. « Voilà qui est fait, mademoiselle. Le champ est libre. Je l'ai mis au courant de la situation. Puis-je vous souhaiter bonne chance et, encore une fois, toutes mes excuses. » La jeune fille prit congé avec cordialité et, élant un taxi, regagna la demeure de son patron. Xavier Turlune n'était pas content. « C'est raté, dit-il. Je sais bien que ce n'est pas de votre faute, mais c'est ennuyeux tout de même. Pourquoi a-t-il fallu que cet imbécile se mette en travers de votre route ? Comment rattraper maintenant le véritable assassin ? Je me le demande. » Enfin, rentrez chez vous, Olga. Nous aviserons demain. La nuit nous portera conseil. » C'était une habitude chez la jeune fille, à cause de sa dangereuse profession, de regarder constamment autour d'elle pour voir si personne ne la suivait. Elle exécutait cette manœuvre d'une manière fort habile et il était impossible de la suivre sans qu'elle s'en aperçût. Elle habitait à 1/4 d'heure à pied de chez son patron et comme elle allait bientôt arriver chez elle, elle sentit que quelqu'un suivait inexplicablement sa route. Il ne fallait pas qu'on connût sa demeure, aussi passa-t-elle devant comme si de rien n'était. Puis elle hésita. Devait-elle simplement sever le suiveur ou chercher à renverser la situation en prenant en filature cet individu curieux? Elle opta pour cette dernière solution. Il pouvait s'agir d'un amateur de bonne fortune, mais n'importe. Il fallait savoir. Cet homme grand et maigre, à la silhouette un peu voûtée, pouvait également être le fameux assassin. Olga, s'assurant que l'homme la suivait toujours, s'engouffra dans une porte cochère qu'elle connaissait bien. L'immeuble communiquait par une cour commune avec son voisin. Rapidement, Olga retourna son imperméable, cacha ses abondants cheveux sous un béret extrait d'une poche et, méconnaissable, ressortit sur le boulevard. Une déception l'attendait, l'homme avait disparu. Décidément, la journée était mauvaise. Haussant les épaules, Olga regagna sa maison, certaine cette fois de n'être plus suivie. Le lendemain matin, de bonne heure, elle arriva chez Xavier Turlutte, qui l'accueillit de fort mauvaise grâce. Plus que jamais, il fixait le mur noir, paraissant s'insoucier complètement de sa collaboratrice. « Je me demande, grommelait-il, comment nous allons rattraper cette erreur. Je ne pus m'être trompé, cependant, psychologiquement, l'assassin devait venir au rendez-vous que je lui avais ainsi fixé. Rappelez vos souvenirs, Olga. Vous connaissez un assez grand nombre de journalistes chargés de la rubrique criminelle. Parmi tous ceux qui vous ont interrogé lors de votre sortie de l'Institut médico-légal, voyez-vous une physionomie inconnue ? La jeune fille chercha dans ses souvenirs, mais rien ne lui parut digne de remarque. « Non, monsieur, » dit-elle. C'est exaspérant tout de même de voir ainsi déranger ses plans. Pensive, la jeune fille appuyait son front à la vitre froide de la fenêtre et regardait, presque sans la voir, l'animation de la rue. Brusquement, elle poussa une exclamation. « Je l'ai vu là-bas !» Déjà, elle ouvrait la porte de son bureau, prenait son manteau et son chapeau et s'enfuyait en jetant à son patron « Je vous expliquerai plus tard !» Il sourit et se frotta les mains avec la satisfaction du chasseur voyant son fidèle chien s'engager sur une piste. La suite de l'opération fut menée avec une habileté consommée par Olga. Une fois dans la rue, elle repéra cet homme qu'elle se souvenait d'avoir aperçu à l'Institut médico-légal et qu'il avait retrouvé chez Xavier Turlutte. Soigneusement cachée, elle attendit qu'il se lassât d'attendre. Au bout d'une heure, l'homme appela un taxi et Olga en fit autant. Elle connaissait maintenant à fond le signalement de cet inconnu. Un homme de petite taille, 1,62 m ou 3, maigre mais large d'épaule, le teint basané, une courte moustache noire, vif d'allure, le regard luisant sous des sourcils touffus. Les deux voitures stoppèrent rue Saint-Dominique, près du boulevard Saint-Germain, devant un immeuble de fort belle apparence. Dès que l'homme eut disparu, Olga interrogea discrètement la concierge. Après une conversation d'un quart d'heure, elle était fixée. L'individu en question se nommait Louis d'Autrémont. Il était second clerc chez Maître Aperne, notaire. Olga pénétra dans un café et téléphona à Turlutte tous ses renseignements à mots couverts. Contrairement à son attente, son patron se montra très satisfait des résultats obtenus et l'encouragea à poursuivre son enquête. « Il faut savoir où habite ce d'Autrémont, » demanda-t-il, « et continuer l'enquête à son domicile. Je suis presque certain qu'il a dû faire, naguère, un voyage d'une certaine durée, un séjour plutôt, en Chine ou du moins en Extrême-Orient. » Si cela est, nous nous trouvons presque certainement en face de notre mystérieux assassin. Voulez-vous que je vous envoie Diogène pour vous aider dans cette enquête ? Qu'en pensez-vous, monsieur ? Je me demande si vous ne préférez pas que je travaille seul sur cette affaire jusqu'à ce qu'elle soit terminée. J'aimerais mieux. Cependant, je crains pour votre sécurité et il me semble qu'il serait préférable de faire appel à la police, dont les puissants moyens d'investigation pourraient vous aider par ailleurs pour aboutir dans votre enquête. La jeune fille sourit avant de répondre. « Je constate que, comme toujours, vous préférez mes faibles moyens d'investigation. Quant à ma sécurité, je suis assez grande, vous le savez bien, pour m'en préoccuper moi-même. Allons, d'accord, Olga. » « Quand vous vois-je ? Dès que j'aurai réuni les renseignements demandés. De toute façon, j'attends un coup de téléphone dans l'après-midi et, au plus tard, avant ce soir. Entendu. Au revoir, monsieur. » Dès qu'il eut raccroché l'appareil, Xavier Turlutte se plongea dans ses réflexions. Inexplicablement, il sentait maintenant que la piste était bonne. Cependant, ce Louis d'Autrémont passait pour un homme fort honorable et dont la vie toute simple ne paraissait cacher aucun mystère. Mais, justement, Xavier envisageait un assassin de cette sorte, un homme pondéré et calme, ne commettant aucune imprudence, jusqu'au résultat final. Mais là était toute la question. Allait-il vers un résultat final ? Cette longue série de crimes était-elle la manœuvre d'un fou ou bien les actes longuement prémédités d'un assassin poursuivant un but précis ? Turlutte opinait pour cette dernière solution. L'habileté du criminel, surtout dans ses réactions devant le piège tendu, l'inclinait à penser que l'homme était extrêmement intelligent. D'autre part, il fallait resserrer le filet autour de lui. Il était impossible de l'accuser sous le prétexte qu'il s'était rendu à l'Institut médico-légal et qu'il avait suivi Olga. Et ses crimes, cependant, commis presque tous au centre d'une foule dense, ne comportaient aucun témoin. Il fallait d'abord prouver qu'il avait pu commettre ces meurtres. Rapidement, Turlutte jeta des chiffres sur le papier. Tous les jours de la semaine, à une heure différente, l'assassin s'était trouvé dans un endroit différent de la capitale. Il semblait cependant qu'un clerc de notaire travaillât à demeure dans un bureau. Sous le prétexte d'un acte à rédiger, Turlutte demanda l'étude de maître Aperne au téléphone. Il eut une secrétaire à l'appareil. Il donna un nom et une adresse de fantaisie et demanda « Je voudrais que vous m'envoyiez quelqu'un de votre étude pour me conseiller. Pouvez-vous m'adresser un collaborateur rapidement ?»« Pas avant demain, monsieur. »« Pourquoi pas aujourd'hui ?»« Parce que le second clerc, monsieur Dautrémont, qui est chargé des rapports extérieurs avec la clientèle, ne passera pas au bureau avant ce soir. » Alors, je vous remercie, mademoiselle. C'est inutile. » Voilà l'explication. Dautrémont était libre, il visitait les clients toute la journée. Donc, il avait pu, a priori, se trouver sur les lieux de chaque crime. Cependant, cet homme intelligent devait s'être créé des alibis, mais certainement pas pour tous les jours de la semaine. Brusquement, Turlutte s'inquiéta pour Olga. Le monstre était libre et il connaissait le signalement de la jeune fille. S'il s'apercevait de l'enquête dont il était l'objet, il n'hésiterait sûrement pas à employer son arme terrible. 2 heures passèrent, durant lesquelles Xavier se sentit vaguement inquiet. Sa raison luttait vainement contre son intuition, il pressentait le drame. Quand la sonnerie du téléphone retentit, il tressaillit, mais un sourire éclaira sa physionomie expressive quand il reconnut la voix d'Olga. « Tout va bien, patron, » disait la jeune fille. « Louis Dautrémont mène une vie régulière. Il habite au boulevard de Clichy, un appartement de 3 pièces où il vit seul. Une amie, une jeune femme blonde et fort élégante, le rejoint 2 ou 3 fois par semaine, mais elle ne passe jamais la nuit chez lui. » Au sujet du voyage en Chine, vous aviez raison, et je trouve cela merveilleux, je me demande comment vous l'aviez deviné. Notre homme est resté là-bas durant 5 années, puis il a été fonctionnaire colonial en Indochine. Il mène une vie. Brusquement, la jeune fille s'était interrompue. Xavier insista. Que se passe-t-il, Olga? Voyons, répondez. D'une voix calme, elle reprit. « Excusez-moi, mais je viens de le voir. Je suis dans une cabine de café Place Clichy. Il me regarde au travers de la glace. Je me demande ce qu'il veut. »« Faites attention !» cria Turlutte. « Patron, il ouvre la porte de ma cabine. Ah ! Au secours, patron !» Chapitre 5. Malgré son sang-froid habituel, en raccrochant l'appareil, Turlutte blêmit. Il n'y avait rien à faire, le drame venait de se passer dans un café de la place Clichy, mais lequel? Tout était fini maintenant, et la pauvre Olga... Xavier crispa les mâchoires, puis il appela l'inspecteur Diogène au téléphone. En quelques phrases brèves, il lui conta ce qui venait de se passer. « Bien, dit le policier, j'alerte immédiatement le commissariat du quartier pour qu'il fasse visiter tous les cafés de la place Clichy. D'autre part, j'envoie les inspecteurs chez le notaire et au domicile de Dautrémont. Son signalement va être donné partout. Ne craignez rien, monsieur Turlutte, je vous jure que nous l'aurons et que nous vengerons cette jeune fille. » Oui, pensait Turlutte, le criminel serait arrêté, c'était certain maintenant. Mais sa petite collaboratrice si gaie, si confiante, si brave. Cependant, il lui paraissait impossible qu'elle se soit laissée surprendre. Il croyait avoir pensé à tout, mais ce qu'il importait de savoir, c'était si Dautrémont avait employé une autre arme contre Olga. Si c'était l'épingle, le mince stylet, Turlutte gardait quelque espoir. D'ailleurs, pourquoi l'assassin aurait-il changé d'arme, puisqu'il réussissait à chaque fois avec. mais avec Olga, il ne devait, il ne pouvait pas la tuer, c'était la conviction bien nette de Xavier. Cependant, si Dautrémont avait raté son coup, pourquoi Olga, ayant la vie sauve, ne donnait-elle pas de ses nouvelles, ne le rassurait-elle pas ? Énervé, Turlutte marchait de long en large dans son cabinet. Lui, l'homme méditatif par excellence, il souhaita soudain l'action, une action brutale qui lui détendrait les nerfs. Il sortit de chez lui, gagna son garage et enfourcha la puissante motocyclette de course qu'il préférait à n'importe quelle voiture de luxe pour des randonnées solitaires. Il ne voulait plus penser à ses meurtriers, à ce criminel, à rien d'autre qu'à la griserie de la vitesse. Un quart d'heure plus tard, il marchait à plus de 130 à l'heure sur la route de Fontainebleau. Arrivé à une trentaine de kilomètres de Paris, il stoppa dans une petite agglomération. Il se sentait transi. Il portait juste un pardessus de ville et une casquette et il faisait un froid assez vif. En montant sa moto sur la béquille, il dit tout haut « J'agis comme un imbécile ». Il s'était arrêté devant un petit café bureau de tabac. Il entra dans la salle enfumée et commanda un viandox. Une forte femme le servit et tenta d'entamer la conversation, mais Turlu resta obstinément muet, il n'avait nullement envie de parler. Les yeux vagues, il regardait deux hommes qui jouaient au billard en poussant des hurlements quand il réalisait une série de quatre ou cinq. Turlutte, avec son esprit précis et méthodique, aimait beaucoup le billard qu'il pratiquait comme un professeur. Il eut soudain envie de jouer sur ce tombereau avec des queues au procédé décollé. Pour s'amuser, se changer les idées. Il se leva et dit aux deux joueurs « Puis-je vous offrir une tournée, messieurs, si vous acceptez de jouer avec moi ?» Les deux hommes le regardèrent, l'air méfiant. « Dame, c'est qu'on joue la nôtre de tournée. »« Je la paie aussi. » »« Dans ce cas, dit l'un, c'est pas de refus. Vous jouez bien, monsieur. » Turlutte haussa les épaules avant de répondre. « Je suis d'une jolie force quand j'ai un bon billard et une bonne queue. » L'un des joueurs lança un clin d'œil à son compagnon et dit, mi-figue, mi-raisin, « Un mauvais ouvrier n'a jamais de bons outils. » Enfin, combien que vous nous rendez sur 50 ? Turlutte, qui jouait des parties au cadre de 300, répondit avec un sourire « Je ne sais pas, 35, 40 ?» L'autre reprit, railleur « Mettons 40 puisque vous êtes un professeur. À vous de commencer. » Xavier joua et rata le premier point. Le billard s'avérait encore plus mauvais qu'il ne l'eût supposé. Les bandes ne rendaient pas, il y avait des reprises aux quatre coins et les billes roulaient comme des pommes de terre. L'un des hommes joua après lui et fit quelques points avec des exclamations de joie. « Monsieur le professeur, dit-il, il me reste 5 points à faire et j'ai gagné. » Turlune ne répondit rien, joua le rappel qu'il réussit par hasard et aligna une série de 45 sous les regards admiratifs des deux hommes. « Ça alors, c'est du billard, dit l'un d'eux. Je vous demande pardon de m'être moqué de vous. Monsieur, vous êtes un as. » « Ça ne fait rien, dit Turlutte en roulant une de ses minces cigarettes. » La patronne se leva de derrière son comptoir et dit « On va faire marcher un peu la TSF, hein ?» Elle mit le poste en marche et une musique de danse emplit la pièce. C'était à nouveau au tour de Xavier de jouer. Il connaissait maintenant les nombreux défauts du billard et il était suffisamment habile pour les utiliser. Il jouait son 80e point de série quand la musique cessa et un speaker annonça. « Ici Radio Paris, communiqué spécial. Le terrible meurtrier qui, chaque jour, faisait une victime, cet ennemi public est enfin arrêté. Il s'agit d'un clerc de notaire du nom de Dautrémont. Il a pu être capturé avec une rapidité sans égale grâce à la perspicacité du célèbre découvreur d'énigmes, Xavier Turlutte. Tous les journaux expliqueront demain grâce à quel habile stratagème le redoutable bandit a pu être incarcéré. Nous adressons toutes nos félicitations au commissaire Legris ainsi qu'à l'inspecteur Diogène, sans oublier la très courageuse collaboratrice de Xavier Turlutte, Olga Simonet. Peu avant l'arrestation, la jeune fille avait été victime d'une tentative de meurtre de la part de Dautrémont qui la sentait sur sa piste. Heureusement, l'arme du tueur, une longue aiguille emmanchée, se brisa sur l'épais fermoir du collier égyptien porté par Olga Simonet. Le cauchemar s'efface, Paris tout entier peut respirer, nous n'oublierons pas que nous devons cela à Xavier Turlutte. D'émotion, le héros de ce communiqué en rata son point. Mais il se sentait si joyeux de savoir Olga hors de danger qu'il jeta un billet de 100 francs sur le comptoir en criant « Gardez la monnaie !»« Il est complètement cinglé, ce garçon-là, » dit un des joueurs. « Dommage, » dit l'autre, « il s'est joué au billard. »« C'est pas tout, ça, patronne. Faudrait voir à nous servir la tournée payée. » Turlutte regagna son domicile à une vitesse de cauchemar. Il se moquait pas mal des félicitations, mais il tenait à en adresser personnellement à Olga. Il savait que c'était les siennes qui lui feraient le plus plaisir. Elle lui ouvrit la porte. « Bravo, dit-il, vous êtes une brave fille. »« Merci, monsieur, répondit-elle en rougissant. Heureusement que vous m'avez obéi. »« Mais, monsieur !» En souriant, il décrocha le lourd collier égyptien du cou de sa collaboratrice. « Je vous ai véritablement sauvé la vie aujourd'hui, Olga. Ce collier, je ne vous l'avais offert que pour vous protéger contre l'aiguille du tueur. Il a bien rempli son office. Mais maintenant, vous me permettez de vous l'offrir pour cette magnifique réussite. »« Oh, merci, monsieur !» « Installons-nous dans mon cabinet, vous allez me conter vos aventures. » Entre parenthèses, vous ne pensez pas que j'ai eu raison de ne pas mettre mon numéro de téléphone dans l'annuaire et d'habiter ici sous un nom d'emprunt. Avec la ruée de journalistes, ce serait intenable dans cet appartement. » Xavier Turlutte s'installa dans sa position favorite et, les yeux sur son mur noir, laissa parler sa collaboratrice. Elle lui raconta, avec force détail, qu'après son enquête au domicile du tueur et chez les commerçants de son quartier, elle avait gagné le Select Place Clichy. Dautrémont avait dû la remarquer et il la soupçonnait déjà fortement d'être sur sa trace. Jugeant l'occasion favorable, il avait ouvert la porte de la cabine et frappé juste et fort, selon sa coutume. Il pensait étouffer ainsi le cri de sa victime, comme il avait déjà fait 6 fois, mais Olga, protégée par son collier, avait hurlé, ameutant le personnel de l'établissement. Rapidement, l'assassin avait été maîtrisé et emmené au commissariat. La jeune fille avait suivi pour donner toutes les explications sur le personnage et elle n'avait téléphoné que 3 quarts d'heure plus tard. À ce moment-là, Turlutte filait à toute allure vers Fontainebleau. « Vous pouvez vous vanter de m'avoir inquiété, avoua Xavier. » À ce moment, le timbre du téléphone résonna. C'était l'inspecteur Diogène. Il raconta que Dautrémont avait avoué, donnant l'explication de ses meurtres. Dans les dossiers de l'étude où il travaillait, il avait découvert une importante succession fort embrouillée. Une femme qu'il connaissait de vue pouvait hériter d'une somme considérable, à condition que 3 personnes disparaissent. Le misérable mûrit longuement son plan. Il fit de l'héritière possible son ami et la mit au courant de la situation. Ensuite, il envisagea froidement de supprimer les 3 gêneurs. Cependant, il serait fort dangereux de tuer ces 3 personnes les unes après les autres, cela pouvait attirer les soupçons. Dautrémont n'hésita nullement. Au lieu de 3 victimes, il en prendrait 6 ou 7 et nul ne pourrait déceler les raisons de ces meurtres. C'était bien raisonné, puisque nul n'avait deviné, mais Xavier Turlutte s'était cependant montré plus fort que le misérable. « Voulez-vous voir l'assassin ?» questionna l'inspecteur. « Vous êtes bien aimable, mais il ne m'intéresse nullement. Pour moi, l'affaire est finie, n'est-ce pas, et je vais passer à une autre énigme, mathématique autant que possible. C'est tellement plus passionnant. » « Au revoir, inspecteur. Je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance. »« « Vous me permettrez de vous poser une question, monsieur ?» demanda timidement Olga. Xavier Turlut sourit. « Vous avez tous les droits aujourd'hui. » « Comment avez-vous deviné que l'assassin avait fait un séjour en Chine ?»« À cause de l'arme du crime, une épingle. Savez-vous que les Chinois pratiquent, depuis des millénaires, une sorte de médecine qui donne des résultats stupéfiants ? Cela suppose une connaissance parfaite des centres nerveux du corps humain et l'on traite toutes les maladies en piquant certaines parties du corps judicieusement choisies. » Il existe plusieurs sortes d'aiguilles, des grosses, des fines, elles sont en acier, en or, en argent, en bronze. Mais il s'agit d'une technique compliquée qui ne m'appartient pas de vous expliquer. On appelle cela l'acupuncture. De là à déduire que l'assassin connaissait au moins des rudiments de cette science pour tuer avec autant de précision en utilisant l'instrument chinois, il n'y avait qu'un pas aisé à franchir. « Pour vous, monsieur !» avoua Olga en regardant son patron avec admiration. Mais déjà, Xavier Turlut résolvait une équation d'une extrême complexité. Fin de la nouvelle « Un mort de trop » de Michel Nicolaï.